C'était la pièce What I Know par Too Much Fun, un petit mélange d'électro et de slide un peu country. Avant ça, c'était Let's Go Guantanamo avec la pièce Intelligent Design. Donc, deux artistes qui se retrouvent sur l'étiquette Rainbow Destroyer. Avant ça, on avait débuté avec 20 Go To 10. C'est par l'artiste Oiseau qui vient de l'Angleterre. On poursuit avec un artiste qui vient de l'Argentine. Il s'agit d'Adrián Juárez. Je vous fais passer sa pièce Hermano Dramatismo. Puis ensuite de ça, sur l'étiquette Lost Children, un groupe qui donne dans un peu le mat rock, un peu le stoner rock. En tout cas, c'est assez planant. Il s'agit de Sleep Makes Waves. Je vous fais entendre la pièce One Day You Will Teach Me to Let Go of My Fears. Donc pour tout de suite, Adrián Juárez. C'était le groupe Sleep Makes Waves avec la pièce One Day You Will Teach Me to Let Go of My Fears. C'était sur l'excellente étiquette Lost Children. Ils ont vraiment beaucoup de matériel, un peu dans le même genre, du rock vraiment planant. Des fois, ça passe au stoner rock. Des fois, c'est un peu plus drone, mat rock. Donc, une étiquette qui est vraiment intéressante, qui s'appelle Lost Children. Avant ça, c'était l'Argentin Adrián Juárez, sa pièce Hermano Dramatismo. Vous écoutez toujours Web Musique. Je vais faire une courte pause, puis je vous reviens par la suite. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là. Il est revenu, là. Mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval, disponible gratuitement tous les mardis. Vous aimez la radio culturelle? De la culture, notre carte de membre en est pleine. Des rabais de 4$ au Théâtre Périscope, de 3$ au Théâtre de la Bordée. 10% de rabais chez Sillon le Disquaire et à la librairie Pantoute, de 15% de rabais au Théâtre Le Trident. La culture n'aura jamais été aussi accessible en devenant membre de CKRL. Adhérer, c'est facile. Sur le web au www.sillon.com, appelez au 640-2575 ou venez nous voir au 405 3e Avenue. Seulement $25 pour les membres partenaires. Du nouveau cette année, devenez membre de soutien de CKRL pour seulement $10. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Mon Dieu, c'est la première fois que j'entends cet indicatif-là. Ça va très bien avec Web Musique. Donc, on va poursuivre avec un artiste, plutôt deux artistes qui sont sur l'étiquette Fresh Pulp Records. C'est une excellente étiquette française qui donne surtout dans le dub, dans l'électro. Mon Dieu, c'est vraiment varié. Ils ont vraiment leur son à eux autres. C'est vraiment une étiquette vraiment intéressante. Donc, je vous fais passer deux pièces qui sont sur l'album Octopus 2. C'est une compilation. Je vous fais passer tout d'abord Electro Gnawa Project, la pièce Aisha. Ensuite de ça, ça va être Sonda Mantium avec Pepper Gin. Vous allez voir, c'est assez pété comme pièce. Je vous fais passer ça tout de suite. شاعتني من رجال وي يا زلمه وداخل تحيه الله كريم الله سيدي الله ولا نعمه الا عيشه شوع ويشه وي يا زلمه يا نميمة ويا الحنينة سيدي علم ولا نعمة شوع ويشا كريم والله الجبال We'll be right back. C'était la pièce Paper Gin, c'était par l'artiste Sondamentium. Avant ça, c'était Electro Gnawa Project avec la pièce Aisha. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'excellente compilation Octopus 2. C'est sur l'étiquette française Fresh Pulp Records. Donc, je vous recommande cette compilation. Il y a vraiment beaucoup de stuff dessus. Donc, je vous la recommande chaudement. On poursuit avec un groupe, mon Dieu, assez étrange, qui ont des drôles de samples, donc un son bien à eux, qui s'appelle The Brand Flakes. Je vous fais passer deux pièces qui est sur l'album Bubbles. On va débuter avec Squishing Sniffy, Artist Busted. Ensuite de ça, ça va être Countdown to the End. Donc, c'est sur l'album Bubbles par The Brand Flakes. It's time for us to take a break for the news, and then we'll be back. This is test take. Three. Okay, started. What a day it's been for Sniffy the Rat. Sniffy grabbed international headlines when a Vancouver artist announced plans to crush him with a concrete box, what he called a sort of avant-garde form of art. Frightened mice? Frightened mice? The event was scheduled for this afternoon, but animal rights activists stepped in and saved Sniffy's life. They also gave the artist quite a scare. But then, earlier today, the militant animal rights group called BBC News stole his Sniffy squashing concrete blocks from the back of his van. He planned to use concrete blocks to squish Sniffy between two canvases, what he called performance art. But he didn't get far. As reporters tried to question him about the point of all of this, some angry protesters caught up with him. Let go right now. You guys, where's the cop? You're twisted, man. You're weird. In the end, Sniffy wasn't snuffed. I no longer have Sniffy. Sniffy. I have returned him to the pet store I rented him from. He also said it was a more humane death than being eaten alive by a snake. Possible fate for a pet store rodent. Sniffy has been purchased by CBC News, Vancouver. That cost $3.99 plus tax. For the news. Calm down. We'll be right back. have a housewarming. Donc, c'était Countdown to the End. Avant ça, c'était Squishing Sniffy Artist Busted. Deux pièces sur l'album Bubbles. C'est par The Brand Flakes. Je sais qu'il y a Otis Fodder dans le groupe. Je ne sais pas s'il est assisté de d'autres personnes, mais c'est toujours assez intéressant les albums qu'il peut produire. Toujours des samples, des échantillonnages assez variés, assez étranges. Donc, on poursuit avec un artiste qui est sur l'étiquette Phonotactics. Il s'agit de Motown Junkie. Donc, il est le fondateur de l'étiquette. C'est une étiquette qui nous vient du Portugal. Je vous fais entendre deux pièces sur son artiste, excusez-moi, sur son album More. Donc, on va entendre pour débuter Dope Night Drive. Ça va être suivi par Farlopa Satanica. Donc, Motown Junkie à Web Music. We'll be right back. C'était la pièce Falopa Satanica. C'était précédé par Dope Night Drive, donc deux pièces qui se retrouvent sur l'album More par l'artiste Motown Junkie, un artiste qui vient du Portugal puis qui est fondateur de l'étiquette Phonotactics, une excellente étiquette qui ont un peu de musique dans ce genre-là, mais c'est quand même assez varié. Ils ont toujours des paupières de samples de musique jazz, donc toutes sortes de trucs vraiment intéressants. C'est déjà tout pour Web Musique. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les pièces que vous avez entendues à l'émission. Pour ça, ben, rien de plus facile, vous vous rendez sur le blog qui est au www.webmusique.org. Donc, en vous rendant sur le site de l'émission, vous pouvez télécharger tout ce que vous entendez. La majorité des pièces qui sont présentées, c'est possible de les télécharger gratuitement. Souvent, c'est publié sous licence Creative Commons ou tout simplement dans le domaine public. Donc, c'est des pièces que vous pouvez télécharger gratuitement et légalement. Donc, c'est ça, c'est tout pour ce soir. Mon sac à musique est quand même assez vide. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Musique. C'était Simon Roy qui était avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Message aux décideurs en entreprise. Vous souhaitez améliorer vos procédés industriels? Renseignez-vous sur nos mesures d'efficacité énergétique concernant l'éclairage, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la compression. Réaliser des économies d'énergie tout en profitant d'un appui financier, c'est plus qu'une bonne affaire. Pour en savoir davantage sur le programme Système industriel, rendez-vous sur hydroquebec.com/affaires. Un choix d'affaires rentable et responsable. Un message d'Hydro-Québec. Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.